passe. Aujourd'hui je contrôle plus rien, je te jure je me lasse. Ma vie ne vaut plus rien entre malheur et malheur. Trop forte est la douleur et j'ai rien qu'apaise mon cœur. Où est le résultat de celui que je prie? Après le décès de ma mère, il m'a ôté ma petite fille. Plus aucune motivation, je m'inquiète plus pour ma survie. Désespoir s'est emparé de ma triste petite vie. Désormais je suis triste, maussade au quotidien. Je suis mal partout et y'a rien qui me fait du bien. Le monde est dans l'erreur et le Seigneur reste spectateur. Admire le spectacle des hommes qui s'entretuent entre pays ou ethnies sans se soucier de l'enfer ou le paradis. Des kamikazes assassinent des innocents. Les fidèles ils se disent au nom du tout puissant. Je te le dis de ma vie foi, jeune homme qui a perdu. Relève-toi à toi, continue ton combat. Ne baisse pas les bras, ne perds pas la foi. Vas-y crois en toi, la vie est bravée d'obstacles. Reprends-toi, redonne un sens à tes choix. Relève-toi, bats-toi, continue ton combat. Ne baisse pas les bras, ne perds pas la foi. Vas-y crois en toi, la vie est bravée d'obstacles. Reprends-toi, redonne un sens à tes choix. Il avait rien de dangereux, mais rien de mafieux. Il avait tout pour me plaire, tout pour me plaire. Mais qui aurait cru que ça me ramènerait une telle galère? Chérie, je n'ai pris qu'un petit verre. Et je te promets que ce sera bien la dernière fois. Tu me verras les pieds sous terre. Quoi, tu veux plus entendre parler de moi? Tu me conseilles d'aller voir un avocat. Mais ma vie, je vais la finir avec toi. Et puis le môme, tu sais, il a trop besoin de moi. Je perds tous mes repères après la guerre, y'a souvent le beau temps. Ma solitude ralentit le temps. Il me cache l'arrivée du printemps. Je me console avec un verre de vodka. L'abus me fait perdre mon emploi. Mais y'a que lui qui me comprenait à mes propres choix. Jusqu'à me trouver hors de chez moi. Tout ça pour un verre de relève-toi, bats-toi, continue ton combat. Ne baisse pas les bras, ne perds pas la foi. Vas-y crois en toi, la vie est bravée d'obstacles. Reprends-toi, redonne un sens à tes choix. Relève-toi, bats-toi, continue ton combat. Ne baisse pas les bras, ne perds pas la foi. Vas-y crois en toi, la vie est bravée d'obstacles. Reprends-toi, redonne un sens à tes choix. Je vise la réussite dans mes études et mon loisir. Sans briller qu'à mon âge, comme tous les mecs, j'ai mes désirs associés au diable. J'ai bien sûr pas insisté quand j'ai connu cette meuf qui a pas su me résister. Dans mes poches, je la décris, de vie facile, j'ai transcrit toutes mes virées nocturnes avec elle dans les chambres d'hôtel. Je me fais prendre par cette vague de sentiments. Mon amour pour elle devient étincelant. Au fil du temps, j'ai plus le temps pour mes potos, mes camarades. Elle s'est payée le luxe de commettre l'irréparable. Malgré ce que j'éprouve, j'ai de quoi être tendu. On dit que l'amour aveugle, moi j'ai tout vu, tout entendu. Je me suis juré de te quitter, mais mon cœur en dit non. J'ai plus que te pardonner dans la lancée. Une relation opérée sans préservatif. Évidemment qu'au bout du compte, ça se révèle positif. Relève-toi, bats-toi, continue ton combat. Ne baisse pas les bras, ne perds pas la foi. Vas-y, crois en toi, la vie est bravée d'obstacles. Reprends-toi, redonne un sens à tes choix. Relève-toi, bats-toi, continue ton combat. Ne baisse pas les bras, ne perds pas la foi. Vas-y, crois en toi, la vie est bravée d'obstacles. Reprends-toi, redonne un sens à tes choix. Relève-toi, bats-toi, continue ton combat. Ne baisse pas les bras, ne perds pas la foi. Vas-y, crois en toi, la vie est bravée d'obstacles. Reprends-toi, redonne un sens à tes choix. Relève-toi, bats-toi, continue ton combat.